Collectif Rome Europe, qui est donc un collectif constitué d'associations, on va dire à audience nationale, voire internationale pour certaines, et d'associations locales qui en fait se sont organisées dans toutes les communes où des familles roms se sont installées. Et donc des citoyens ont aussi souhaité les accompagner dans cette installation. Et donc, on constitue des associations qui se sont reliées au collectif Rome Europe. Et il y a aussi dans ce collectif des personnes qui viennent comme ça à titre personnel. Donc, en fait, ce collectif a pour but de travailler sur l'accès aux droits en particulier, hein, c'est-à-dire les populations roms migrantes qui sont installées à Nantes et qui sont installées en France ont des droits. Et donc, en fait, nous, on veille à ce qu'elles puissent accéder à ces droits. Bon, de plus, on les accompagne aussi dans un certain nombre de démarches et dans un certain nombre de choses qu'elles font sur le territoire, puisque ce n'est pas toujours facile quand on est étranger et qu'on arrive. Donc, c'est dans ce cadre-là. Donc, c'est le collectif From Europe qui invite à cette conférence. Bon, on s'est aussi situé, on a choisi cette date aussi pour être au milieu des semaines d'éducation contre les discriminations et toute forme de racisme, qui est une. Bon, c'est des semaines qui s'organisent, je pense, au niveau national. Et en tout cas, ici, au niveau local, ce sont des semaines qui sont très actives avec des tas d'activités. Donc, on a des petits livrets que vous pourrez prendre à la sortie. Et on va aussi vous distribuer un petit questionnaire, mais rapide, hein, qui ne va pas être sur le fond de la conférence, mais plutôt sur comment vous avez connu cette conférence, pourquoi vous êtes là, enfin bon, qu'est-ce que vous connaissez des semaines d'éducation contre le racisme et les discriminations. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là. Donc en fait, le collectif From Europe a l'habitude de se donner comme ça des journées de réflexion sur son action, sur ce qu'il fait. Et on avait souhaité travailler sur la question de la place des femmes, de la place des jeunes filles, puisque quand même certains d'entre nous étaient un peu interloqués avec l'histoire des grossesses précoces, et interloqués du moins, avec l'histoire des grossesses précoces, et la place des femmes, quelle est leur place, quelles sont leurs luttes, quel est leur statut. Et du coup, ce matin, on a travaillé donc avec Claire Ozias, qui est ici, qui va se présenter, qui va vous dire qui elle est. Donc ce matin, les bénévoles qui interviennent auprès des familles ont travaillé avec Claire sur toutes leurs interrogations. Et on s'est dit que puisqu'elle était là et que c'est quand même quelqu'un qui a une audience assez importante, on s'est dit quand même qu'on allait en faire profiter toutes les personnes qui étaient intéressées. Et c'est pourquoi cet après-midi, on lui a demandé si elle voulait bien animer une conférence débat publique. Donc voilà, Claire Ozias, et elle va se présenter elle-même. Alors merci tout le monde, merci d'abord Rome Europe de m'avoir invitée. Je suis très, très heureuse d'être parmi vous. Nous avons déjà eu des travaux très très intéressants, très constructifs. Rome Europe, donc, c'est moi qui vous le dis pour ceux qui ne le savent pas, c'est un collectif qui regroupe un ensemble d'associations dédiées, entre autres, aux affaires des Roms migrants en France. Donc, on a LDH, MRAP, Médecins du Monde et beaucoup d'autres. Voilà. Quant à moi, je ne suis pas membre d'aucune de ces associations, mais j'ai travaillé avec les Roms à propos des questions qui étaient soulevées par l'existence des Roms dans l'Europe réunifiée à la chute du communisme, en tant que sociologue d'une part, historienne d'histoire contemporaine, des mouvements sociaux et politiques de l'histoire contemporaine, 19e et 20e siècle. Et c'est à ce titre-là que je me suis intéressée aux Roms d'Europe de l'Est. Ce n'est pas un titre humanitaire. Ni même au titre des grandes interrogations de l'époque concernant l'économie de marché, l'installation d'un état de droit, absolument pas. Mon problème était plutôt la mémoire de l'oppression subie par des gens dont je ne savais rien et comment ils avaient vécu cette mémoire sous le communisme et comment ils étaient témoins et acteurs de la chute du communisme. Voilà. J'étais partie de là, et je me le répète, je l'ai déjà dit ce matin, c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas forcément le même point de vue que les tziganologues officiels et habituels qui parlent des Roms qui ont des formations tout à fait différentes et des approches tout à fait différentes. Voilà. Donc, je remercie le collectif et puis je remercie aussi, accessoirement, pour l'heureuse surprise qu'ils m'ont faite, mes copains du collectif libertaire de Saint-Nazaire. Saint-Nazaire qui, tout de même, comme vous le savez, est le haut lieu des luttes de cette région. Alors, je suis très heureuse de parler avec vous tous. Bon, aujourd'hui, nous sommes quand même à la veille de cette journée internationale des femmes. Comme vous le savez... Recule un tout petit peu. Voilà, qui donc a été instaurée, c'est ça? Instaurée par Clara Zetkin. En l'honneur d'une grève qui n'a jamais eu lieu, puisque c'était un dimanche, des ouvrières sur lesquelles les féministes qui ont fait l'histoire des femmes dans les années 1970 ont écrit beaucoup de livres et de textes. Mais enfin, cette institution s'est développée et aujourd'hui, il y a partout dans le monde la Journée internationale des femmes. Et quelquefois, c'est pas un jour, mais quelquefois même ça dure plus longtemps que ça. Et donc, en cette occasion... doublé évidemment de la lutte contre le racisme, eh bien, je vais essayer de mettre l'accent spécifiquement sur les femmes tziganes et très particulièrement, je vais essayer de les, approcher au plus près de nous, de notre langage, de nos coutumes, de nos préoccupations et de les faire entrer pour vous dans notre esprit, dans nos considérations, dans le contexte d'une Europe des femmes, une Europe contemporaine et actuelle. C'est-à-dire, je vais tenter de faire d'elles, au départ, qui nous apparaissent comme des étrangères, pas seulement par leur citoyenneté, mais également par leurs supposées coutumes, je vais donc tenter de les rapprocher au plus près de choses qui nous sont beaucoup plus familières à nous, femmes occidentales contemporaines. Alors, je parle des femmes roms, et ce faisant, quand je dis roms, ici, maintenant, je parle de l'ensemble de la population tzigane, en incluant toutes les appellations, les sous-produits d'appellations divers et variés. Je peux parler, en disant femmes roms, aussi bien de gens du voyage, voyageurs français, gitans, yéniches, sinti, manouches et beaucoup d'autres. J'inclus ce terme au sens générique parce que c'est la demande du mouvement des droits civiques d'émancipation des Roms, l'Union Romani Internationale, que d'utiliser le terme de Roms avec un seul R, R-O-M, pour désigner l'ensemble des composantes et des membres de ce groupe. Cette proposition, qui est la proposition donc de l'Union Romani Internationale, n'est bien évidemment pas acceptée par tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle vous ne trouverez pas ce terme utilisé d'une manière, je dirais, ni systématique, ni préemptoire. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de Roms au sens générique, qui même luttent contre cette appellation. Bon. Après, vous avez aussi une interrogation, j'imagine, sur l'écriture de ce Rom. Rom avec deux R ou Rom avec un seul R. Alors, simplifiez-vous la vie. Car Rome avec un seul R, c'est vraiment bien suffisant. Des hommes avec un petit R en plus, ça va, mais avec deux petits R en plus, c'est trop. Ça s'annule. Donc, c'est une invention du linguiste qui enseigne les langues orientales, la langue romanie, pour signifier des nuances savantes à l'origine du sanskrit. Nous n'avons aucun besoin de ça dans nos conversations ordinaires. Voilà. Et d'ailleurs, les linguistes antérieurs ont toujours employé Rome avec un seul R et basta. Voilà, ceci pour votre gouverne. Alors, dans l'ensemble de la population Rome, il y a hommes-femmes, parmi lesquels des enfants. Les enfants forment la moitié de la population Rome. C'est une population très jeune, très dynamique, qui se reproduit très vite, très rapidement. Toujours plus ou moins la moitié de la population rome est constituée d'enfants. Elle n'est pas forcément constituée pour moitié de femmes, peu importe les proportions, mais c'est d'elle que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Mais ça ne signifie pas qu'on torde, comment dirais-je, définitivement le bâton dans l'autre sens et que la civilisation rome soit constituée exclusivement de femmes. On n'est pas chez les Amazones. Voilà. Alors, ces femmes dont je parle, aujourd'hui, en 2015, à l'intérieur de la population rome, qu'elles soient occidentales ou d'Europe de l'Est, toutes ces femmes, elles savent qu'il existe des Roms. Supposons, par exemple, qu'on se place du point de vue de femmes occidentales, françaises, espagnoles, anglaises, irlandaises, toutes savent qu'il existe des Roms d'Europe de l'Est, Roms au sens restreint. Du groupe Tsiganorde. Elles le savent toutes, et elles savent toutes que ces femmes, eh bien, leur sont proches tout en étant tout à fait lointaines. Voilà, les deux choses à la fois. Elles le savent toutes. Et pour me résumer très brièvement, je dirais que les changements viennent de l'Est, et que contrairement à ce qu'on imagine à l'Ouest, les mouvements d'émancipation, de dignité, de solidarité, de revendication des Roms sont bien sûr beaucoup plus développés à l'Est qu'à l'Ouest, et que les mouvements de femmes roms proviennent d'Europe de l'Est avant d'arriver en Europe de l'Ouest, avec des nuances dont je vais vous parler maintenant. Le moteur du changement dans la population rome est à l'Est. Et vous en avez un aperçu par la toute petite pointe émergée de l'iceberg, à savoir les migrants venus en France. Cette petite pointe, 20 000 personnes donc en France, elle s'insère dans une population globale de 12 millions pour toute l'Europe, à peu près, chiffre approximatif. C'est pourquoi j'emploie l'expression « face émergée de l'iceberg ». Alors, prenons les choses pour commencer en 1989 à la chute du mur de Berlin. À la chute du mur de Berlin, les Roms d'Europe de l'Est se réunissent avec leurs copains d'Europe de l'Ouest avec qui ils ont fondé l'Union Romanie Internationale à Londres en 1971. Et tout de suite, ils s'organisent pour savoir comment ils vont défendre leurs droits, et quels droits et quelles défenses, au sein de l'Europe réunifiée, dès 1990, tout de suite. Il y a des congrès divers et variés, notamment un à Varsovie, je crois, en 1990, au cours desquels ils déterminent le fait que, un, ils luttent en tant que population européenne, transnationale, qu'ils demandent un passeport européen, que les problèmes sociaux qui se posent aux Roms se posent dans tous les pays d'Europe de la même façon, et que eux, leurs problèmes, ce n'est pas les problèmes sociaux, mais une démarche politique. Et le grand modèle, c'est le mouvement des Noirs américains, avec à sa tête, jadis, Martin Luther King, dont vous allez trouver des posters et des portraits dans des chaumières très humbles de Rome, au fin fond de la Transylvanie. Tout le monde connaît Martin Luther King chez les Roms, et tout le monde connaît la phrase « J'ai fait un rêve ». Voilà. Quand je vous dis « tout le monde chez les Roms », on peut toujours trouver des gens dans des situations d'extrême isolement, de déshérence absolue, de ghettoisation totale, et qui bien évidemment ne sont pas tout à fait aussi, comment on va dire, au fait que les autres. Mais quand je vous dis tout le monde, c'est vraiment des choses qui sont très répandues. Ça n'est pas le propre d'un tout petit groupe d'élite privilégiée. Parmi ces Roms, militants, mon objet n'est pas de vous parler du mouvement et d'émancipation des droits civiques des Roms, il y a des femmes depuis l'origine. La première réunion, rencontre que j'ai faite avec des associations Roms en 1992 à Paris, plusieurs femmes sont venues, dont une dont je vais vous parler, Agnès Darozi. Qui est Agnès Darozi? Elle vit toujours aujourd'hui. C'est une militante rome hongroise de bien mon âge, ça veut dire plus de 60 ans, et qui est une militante active des droits des Roms depuis 40 ans. Elle parle romani, elle est journaliste à la télévision hongroise, et depuis d'ailleurs peu de temps, 10 ans, oui, elle s'est spécialement attachée à la lutte pour la reconnaissance du génocide tzigane, notamment en Hongrie. Voilà, cette femme est venue, par exemple, à notre rencontre dès 1992. Or, elle n'était aucunement une nouvelle née au mouvement des droits de revendication, des droits des Roms. Elle était déjà précisément membre active parmi eux. Par exemple, il y avait Agnès Darozi, et puis il y a aussi une autre femme, Nadezhda Demeter, qui était donc, pareil, une militante de l'Union Romanie Internationale russe. Bon, certes, elle était beaucoup là pour examiner s'il y avait moyen de migrer ou pas, mais enfin, elle était quand même, malgré tout, elle était quand même, bon, historienne, dit-elle, et dans tous les cas de figure, une animatrice culturelle importante en banlieue de Moscou pour les Roms, de la langue romanie et pour les Roms. Et ainsi, je pourrais vous déployer des quantités de portraits de ces femmes, c'est-à-dire que ces femmes dont je vous parle là, qui étaient engagées comme militantes au début des années 90, étaient bien évidemment toutes des femmes éduquées, diplômées, hautement alphabétisées, occupant des emplois de cadre, et donc je ne suis pas en train pour l'instant de vous parler de la condition des femmes les plus pauvres. Car la population romanie, elle est comme toutes les populations. Il y a des pauvres et des riches. C'est pas parce qu'elle est rome qu'elle est pauvre, non. Il y a des milliardaires, j'en ai rencontré et interviewé, qui m'ont invité dans leur datcha à Yalta. Il y a des beaux et des laids, des intelligents et des imbéciles, des méchants et des généreux, des hommes et des femmes. Et toutes ces composantes sont des composantes sociales, donc en relation conflictuelle les unes avec les autres. Et donc, c'est le produit de tous ces antagonismes, de toutes ces solidarités, de tous ces conflits qui fait avancer aussi le groupe Rome, sans compter, bien évidemment, les conditions extérieures au groupe lui-même. Donc, ces femmes de la première génération que j'ai connue, parce qu'il y avait des générations antérieures, ces femmes de la première génération que j'ai connues, ça signifie qu'elles ont engagé, elles étaient engagées déjà dans un mouvement de reconnaissance des droits des Roms sous le communisme, vous avez bien compris, vu leur âge, puisque le communisme est tombé en 89-90. Ouais. Donc, déjà sous le communisme, ce qui signifie qu'il est impossible qu'elle n'ait pas été membre du Parti communiste, parce qu'autrement, elle n'aurait jamais pu devenir cadre militante des droits des Roms. Ce qui signifie aussi qu'elles appartiennent à cette toute petite minorité de Roms qui ont été alphabétisées, qui ont réussi à se faufiler dans les conditions faites par le régime socialiste à l'époque, pour l'égalité de tous, les opportunités d'ascension sociale qui leur ont été ouvertes et que elles ont négocié, elles se sont débrouillées, arrangées avec le régime peu ou prou. J'en profite pour vous préciser que les Roms, contrairement à d'autres groupes, n'ont jamais été persécutés en tant que Roms par les régimes communistes. Attention, pas d'erreur. Hein. S'ils ont été des opposants politiques, ils ont subi de même sorte que les autres opposants politiques, ils et elles. Mais sinon, il n'y a pas eu, pas même à l'égal des Juifs. Il y a eu des moments où on a eu les Juifs en tant que Juifs qui ont été persécutés par Staline. Et ce n'est pas le cas des Roms, ça n'est jamais arrivé. En revanche, à d'autres titres, il est bien évident que vous pouvez trouver des Roms, hommes et femmes, partout dans les lieux de répression des régimes socialistes. Ça, c'est évident. Alors, ces femmes dont je vous ai parlé, Agnès Darozi, Nadezhda Demeter et d'autres, ont participé donc à la mise en place des nouvelles conditions faites à l'Europe de l'Est au régime post-communiste, c'est-à-dire que il y a eu un plan Marshall, comme dit ma copine de la revue Les Temps modernes, qui est là-bas. On a fait un numéro l'année dernière des Temps modernes sur les conditions contemporaines faites au Rome. Alors, un plan Marshall, c'est-à-dire que soudain, il a fallu, les démocraties occidentales ont décidé d'importer la démocratie dans les pays de l'Est, démocratie qu'ils ne connaissaient pas. Et parmi les conditions de cette démocratie, il y avait, très rapidement est apparu, pas à l'origine, mais très rapidement, la place des femmes. Car en 1990, le mouvement des femmes le plus contemporain avait déjà plus de 20 ans. Donc ce n'était pas des nouveautés pour tout ce personnel des appareils politiques, institutionnels, voire humanitaires. Ils étaient très peu nombreux à l'époque, mais quelques-uns. La place des femmes, l'égalité des femmes étaient déjà des choses qui étaient des banalités à cette époque-là, en 90 à l'Ouest. Donc ça n'a pas beaucoup tardé de se préoccuper de la place des femmes, et au cours de la décennie 1990, la place des femmes en Europe, des femmes roms, quand je vous dis les femmes roms, la place des femmes roms en Europe de l'Est post-communiste est devenue un des marqueurs de la progression de la démocratie dans ces pays. Et j'ai vu sous mes yeux, d'année en année et de 6 mois en 6 mois, de pays en pays, progresser, s'étendre, s'accroître, cette place des femmes à des postes les plus variables, et les formations accélérées aux droits de l'homme, à l'ONU, à Genève, hein, pour des femmes roms. On était en train de créer un personnel, une classe moyenne, un personnel de femmes roms compétentes pour traiter, tout comme chez nous, ici aujourd'hui, l'ensemble des problèmes sociaux, pas à elles toutes seules, mais dans leur spécificité. On a donc vu peu à peu, à l'intérieur du mouvement des Roms, se former des militantes. Et alors ça, c'est une chose absolument fondamentale que je vous demande d'avoir bien en esprit. J'ai accompagné beaucoup de ces femmes, ces hommes aussi, femmes, dans leur mouvement de lutte à l'époque. Car nous partions, ils partaient en Europe de l'Est au début des années 90 de conditions extravagantes, à nos yeux, d'inégalité, de racisme, de discrimination, de ghettoïsation, et l'apartheid aux droits de l'homme, donc aux Roms, était à peu près inexistante. Et on se préoccupait bien davantage, par exemple Médecins du Monde, des orphelinats, par exemple, de Roumanie, avec ses enfants autistes, plutôt que de cette population de 10% du pays de la Roumanie, qu'étaient les Roms. Donc, il y a eu des problèmes. Et pour l'exemple de la Roumanie, nous avons eu des pogroms, des vrais, de 1989 à 1995. C'est-à-dire que dans des villages, des paysans se réunissaient à un moment à propos d'une rixe, d'un problème, d'un conflit, d'une violence entre voisins, sonnaient le tocsin à l'église et partaient ensemble de concert brûler les maisons des Roms. Il a donc fallu, au mouvement des droits civils, de lutter contre ces pogroms, engager des combats très importants, faire arrêter les coupables, reconnaître le délit, le crime, obtenir justice. Bon, pas tout a été obtenu, mais ce qui a été obtenu pour sûr et certain, c'est qu'il est devenu explicite, officiel, public, reconnu qu'il y avait eu pogrom, donc des assassins, car dans ces pogroms, il y a eu des morts. Et j'ai parlé hier, mais je vais reparler encore maintenant, d'une des femmes que j'ai rencontrées à propos de ce pogrom, Fiorentina. Elle vit maintenant en Grande-Bretagne. Cette femme était l'épouse et la sœur de deux des tués, parmi les trois Roms qui ont été tués dans cet incendie. C'est le pogrom de Hadareni que l'on voit dans le film de Tony Gatliffe, Gadjo Dilo, À la fin du film, si vous l'avez vu, il y a un pogrom gigantesque avec, on voit un homme dans un grenier au milieu du foin qui est en train de brûler vif. Voilà. Donc cette femme était une paysanne, quoi. Elle n'avait rien à voir avec aucune sorte de revendication dans sa vie. Elle s'est trouvée soudain privée de son compagnon, de son frère, et entourée et prise en charge par les militants des droits civiques. Alors, aidée et promue auprès des instances internationales, avec l'aide des Américains, Conseil de l'Europe, Bruxelles, demander des crédits, elle a obtenu des crédits avec toutes ses solidarités pour créer une échoppe entrepreneuriale de vente de fourrures, si mes souvenirs sont bons. Enfin, elle a beaucoup de conditions de survie. Et puis, 10 ans plus tard, eh bien, elle est partie en Angleterre à un moment, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, elle vit en Angleterre, elle est très bien, elle a un enfant. Et voilà, elle parle parfaitement anglais. Elle est devenue une militante des droits des Roms et des droits des femmes roms. Voilà. Donc, sachez donc que les femmes dont je vous parle aujourd'hui, ces femmes de la classe moyenne rome, qui sont des femmes éduquées, qui sont souvent des féministes, pas toujours, qui certaines ne s'intéressent qu'à l'égalité hommes-femmes, d'autres qu'à certains types de problèmes, mais toutes ces femmes-là, de cette génération, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui entre 40 et 50 ans, cette génération-là s'est formée dans les luttes. Comme vous savez, ça change tout. Ce ne sont pas des bureaucrates. Certes, elles occupent des emplois parce que c'est la forme que la démocratie a employée, empruntée en Europe de l'Est pour s'installer. Certes, elles occupent des emplois de cadre. Alors, ça veut dire quoi, cadre ? Eh bien, ma foi, elles vont être responsables d'une antenne de Médecins du Monde dans un village. Elles vont être responsables d'une antenne de droits des Roms, d'une antenne du planning familial, d'une antenne antiraciste, de défense des homosexuels, de lutte, d'aide, d'accompagnement à la prostitution. Tout ce que vous pouvez imaginer en termes sociaux et de droits de l'homme est établi sous forme de petites agences partout, hein, en Europe de l'Est, absolument partout, et une partie de ces agences est dirigée entre les mains de femmes. Bon, il y a aussi une assemblée de femmes féministes qui a été soutenue beaucoup par le Conseil de l'Europe, c'est-à-dire que le Conseil de l'Europe a usé de ses moyens et de son statut pour inviter, pour créer une assemblée des femmes roms internationales. Et donc, 2 fois par an, oui, je crois, les femmes de tous les pays d'Europe se réunissent à Bruxelles en général, mais ça peut être ailleurs, pour discuter entre elles d'une thématique et la débattre. Et ceci a été possible parce que le Conseil de l'Europe, c'est absolument pas un comité de quartier. C'est pas un comité de soutien, c'est pas un groupe révolutionnaire. Le Conseil de l'Europe, c'est une institution éminemment respectable. Être invité au Conseil de l'Europe, c'est un prestige. Quand vous êtes invité au Conseil de l'Europe, non seulement vous payez le voyage, le séjour, rien, mais en plus vous êtes défrayé à une hauteur invraisemblable. Quand les femmes roms arrivent là, elles repartent, elles en ont pour tout le mois de vivre avec leur défraiement de 3 jours de colloque. Des tapis rouges, on rencontre des costumes 3 pièces, des hauts fonctionnaires, on parle avec des gens, on n'a même pas idée qu'ils puissent exister. Et tout ça, d'année en année, maintenant ça fait 15 ans que ces choses existent, tout ça a créé quelque chose que nous, les militantes, nous serions bien incapables de créer. Parce que moi, si j'invite mes copines à venir en réunion, comment ? À leurs frais, elles ne viendront pas. Où est-ce que je les loge ? Bon, moi je ne leur donne pas un per diem de 300 euros par mois, par jour, par jour, etc. Et donc ces conditions, je dirais, institutionnelles, ont permis la réunion de femmes qui étaient beaucoup trop, qui avaient trop un sentiment d'infériorité, qui n'étaient pas des militantes patentées, qui n'étaient pas même des personnes pouvant affirmer leur identité et leur dignité, grâce à quoi cette institution a été le coup de pouce pour les lancer. Mais c'est qu'aujourd'hui, ces femmes qui se sont formées dans ces assemblées internationales, où elles ont rencontré d'autres femmes roms, d'autres langues, elles ont échangé, elles ont appris, comme nous les féministes des années 70, dans les groupes de parole, où chacune mettait dans le groupe collectif le problème familial, domestique, de femme qu'elle pouvait avoir, pour le collectiviser et pour que chaque femme prenne conscience, pour que nous toutes nous prenions conscience qu'il ne s'agit pas d'une condition individuelle, personnelle, mais au contraire d'une condition collective, faite à toutes les femmes, l'obligation de la vaisselle, des travaux ménagers, sans parler des soins aux enfants, tout ça a été aussi vécu par cette assemblée des femmes roms et a permis qu'elles, comme nous avant elles, fassent ce cheminement de prise de conscience qu'il s'agit bien de problèmes sociaux, collectifs, voire non pas culturels, mais internationaux, mondiaux. Voilà. Et c'est absolument fondamental. Et pour moi, par exemple, dans ma formation, ça ne viendrait pas à l'idée, quand on a un problème, d'aller tirer la sonnette d'une institution haut placée, encore bien moins internationale. On a un problème, on se réunit entre soi, copains, personnes par affinité, pour essayer de voir ce qu'on peut en faire et qu'est-ce qui est à hauteur de nos forces à nous, avant d'aller solliciter des instances extérieures qui ont fait la preuve, dans tous les cas, de leur refus. J'ai toujours cru, non seulement dans mon expérience de militante, mais en outre dans mon métier d'historienne des mouvements sociaux, une évidence absolue, un mouvement social naît dans l'action à la racine et crée les identités dans le feu de l'action. Et bien là, le Conseil de l'Europe n'a pas créé un mouvement social, mais il a créé des identités. Oui, ce sont des identités, pour la plupart de ces femmes, je dirais, de cadres, peut-être pas de prolétaires en lutte. Mais comme elles sortaient du communisme, ça aurait peut-être été un peu malvenu de leur parler de prolétaires en lutte, parce que je crois qu'elles nous en auraient vite réglé notre compte sur cette affaire. Donc, oui, c'est vrai, ce sont des identités, entre guillemets, de classe, au sens où, bien entendu, ce n'est pas 12 millions de la population paysanne tzigane qui a pu bénéficier de ces choses-là. Mais il faut bien tirer un bout. On commence par un bout. Bon. Alors, je vais vous parler de l'une de ces femmes, Mariana Boceanu, que j'ai interviewée dans le livre Cœur de femmes tziganes, qui est une roumaine et qui parle français extrêmement bien. C'est pourquoi j'ai pu l'interviewer en français. Mariana Boceanu, très intéressant. Elle vivait dans un petit village, nord-sud, est-ouest de l'ouest de la Roumanie, lorsque un couple de militants roms sont venus la solliciter vers 1993, quelque chose comme ça, des gens que je connais très bien, en lui disant: Mariana, il faut que tu viennes nous aider à la radio pour les étudiants, il faut que tu viennes parler. Elle était, je pense qu'elle était, mais très jeune, et pas engagée du tout. Et Mariana Boceanu savait une seule chose de l'actualité sociale: son père a été mis en prison par les communistes pour une bricole, une vétille. Et ça avait été pour elle quelque chose d'extrêmement dur. Enfin, toujours est-il qu'elle a suivi ces militants roms, ces jeunes, et qu'elle est venue à Bucarest, et que de formation en formation, elle a fait des quantités de formations, et elle a fini par travailler pendant 10 ans pour Médecins du Monde, français, pour former les médiateurs sanitaires de Roumanie. Elle a formé 340 médiateurs, médiatrices sanitaires dans les villages de Roumanie. Alors quand on vient me dire « Ouais, un village », on les connaît, ces villages, on y a beaucoup travaillé. Bon, je dis ça en référence à des discussions antérieures. Mariana a créé 340 emplois, enfin, formations de médiatrices sanitaires. J'ai rencontré plusieurs de ces femmes dans des petits villages, tout à fait au fin fond en effet, de forêts, de sentiers, de petits chemins, de boue. Et ces médiatrices sanitaires, eh bien, elles sont censées, comme leur nom l'indique, hein, faire le lien entre la population sur place et les institutions sanitaires, donc favoriser l'accès aux droits pour les droits qui existent, et recueillir les doléances, voire animer éventuellement une campagne pour la vaccination, pour, je ne sais rien, la contraception, enfin, voilà, médiatrice sanitaire. À ma connaissance, ces médiatrices sanitaires ont rarement trouvé un emploi rémunéré. Malgré tout, elles ont acquis une formation, donc, comme vous le savez, un capital culturel qui peut se négocier. Ce n'est pas rien, c'est pas... Certaines ont trouvé un emploi, mais pas toutes. Bon, voilà un exemple de ce que font, ce que l'on attend, ce, comment s'engagent ces femmes modernes dont je vous parle aujourd'hui. Je mets l'accent sur elles parce qu'il est important que nous ayons conscience que les personnes que nous voyons sous nos yeux ne sont pas, loin de là, d'abord la totalité de la population romanie, mais ne sont pas non plus forcément très au fait de ce qui est en train de se faire, cette transformation de fond en comble qui est en train de se faire dans la culture tzigane. Bien entendu, la plupart de ces femmes dont je vous parle, là, militantes, femmes de l'égalité ou féministes, parce que ça n'est pas la même chose, la plupart étaient déjà des enfants de classe déjà moyenne sous le communisme. Elles étaient déjà déruralisées, urbanisées, vivaient en HLM, dans la ville, souvent. Et elles avaient fait des petites études, bon. Mais pas toujours. Et ne pensez pas qu'il s'agisse d'une petite élite refermée sur elle-même. J'ai rencontré aussi des femmes de village. Par exemple, en effet, à Bucarest, qui venaient à Bucarest échanger leur savoir-faire, qui étaient en train de créer des emplois, dans ce contexte dont je vous parle. Et puis, il y a évidemment tous les autres pays. Alors, ici, on connaît essentiellement la Roumanie, mais... Bien sûr, bon, il y a l'ex-Yougoslavie qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Il y a la Hongrie dont il faudrait parler. Je vous ai parlé d'Agnès Darrovsi tout à l'heure. Donc la Hongrie, c'est un pays, c'est le pays dans lequel la condition des Roms aujourd'hui, comme la condition de tous les sujets et citoyens vulnérables d'ailleurs, pas seulement les Roms, est extrêmement préoccupante. Et c'est le pays où aujourd'hui les Roms risquent réellement leur peau. Peut-être que vous avez vu le film Just the Wind, là, juste le vent, ou peut-être avez-vous entendu d'autres choses. Donc là, on n'est pas du tout dans la même situation que dans les autres pays d'Europe de l'Est, sauf peut-être en Russie, où je n'ai jamais mis les pieds, et Dieu m'en garde. Alors, je ne peux rien vous dire sur les conditions de la Russie, mais concernant tous les autres pays anciennement communistes, là, il y a les mêmes emplois, les mêmes cadres, à droite, à gauche, en très grand nombre, je n'ai pas les chiffres, mais un jour, elles ont été recensées, toutes ces femmes engagées dans la valorisation et qui apprennent à parler d'abord, un, revendiquer leur identité de Roms, de femmes, de féministes, et alors... Dans ces assemblées dont je vous ai parlé, par exemple, au Conseil de l'Europe, il y a toutes les variantes du féminisme qui s'expriment. Car d'abord, ce sont des questions, ce n'est pas des affirmations. On n'a pas affaire à des femmes qui viennent barder de théories préalables. Non, mais comment je fais comme mère de famille et ça, et toutes les questions ressortent. Toutes les questions qu'on a connues dans le mouvement des femmes se repose, et la réponse à ces questions, eh bien, elle est empirique, elle est sur le tas, voilà. Alors, il y a aussi, bien entendu, par exemple dans ces assemblées, des femmes d'Europe de l'Ouest. Alors, par exemple, en Scandinavie, il y a un groupe de Roms en Scandinavie qui sont des Calais, c'est-à-dire des Gitans, des gens qui viennent d'Espagne, la branche espagnole des Roms, et qui parle calo, et un tout petit groupe qui a vécu très très en autarcie. Alors les femmes portent encore des vêtements du XVIe siècle absolument extraordinaires, on les voit partout, au sein de Paris de la Mer, au Conseil de l'Europe, enfin Et ces femmes ont acquis dans leur pays, Suède et Norvège, mais des droits pour la minorité des Roms beaucoup plus avancés que dans la plupart des pays européens. Alors il y a des émissions de radio pour les droits pour cette minorité, évidemment des programmes de mise à niveau, on va dire, de formation pour les femmes en difficulté. Bon, en Angleterre, je ne connais pas très bien l'Angleterre, à vrai dire, mais enfin, j'ai souvent croisé quand même des femmes gypsies dans les congrès internationaux. Bien entendu, elles sont là. Je vous dis, je ne connais pas très bien parce que j'imagine qu'il doit y avoir un mouvement très actif, voire très moderne, puisque l'Angleterre, quand même, c'était une grande terre d'élection du mouvement des femmes. Mais de fait, je ne les vois pas beaucoup, pas autant que ça, les femmes tziganes dans les assemblées internationales. En revanche, alors, la terre d'élection occidentale du féminisme tzigane, alors là, c'est l'Espagne. Et là, l'Espagne, chapeau bas, comme d'habitude. Mais c'est justement parce que c'est comme d'habitude que le mouvement des femmes est tellement en avance en Espagne. Parce que l'Espagne est une terre, ces femmes, ce mouvement des femmes ne sort pas ex nihilo. Et il ne s'agit pas seulement, bien entendu, du mouvement des femmes occidentales des années 70 en Espagne. D'ailleurs, 70, les pauvres, ça serait plutôt 80. Bon, mais c'est surtout toute la culture politique de résistance antifranquiste de l'Espagne dont on retrouve les fruits dans la lutte des femmes espagnoles gitanes aujourd'hui. Et hommes. L'Espagne, sachez-le tout de même, toute post-franquiste qu'elle était, eh bien, est le seul pays le seul pays d'Europe qui ait produit un député gitan député au Parlement européen il y a de cela plus de 20 ans, voire 30, 25 ans. Juan de Dios Heredia, un Andalou qui vit aujourd'hui à Barcelone. Cet homme a milité en tant qu'antifranquiste au sein de l'Église catholique espagnole, dans un premier temps. Puis s'est dégagé de cette Église, est devenu toujours pratiquant, mais laïque. A créé un nombre incalculable d'institutions, je dis institutions, mais ce n'est pas ça que je dois dire, d'associations et de droits pour les gitans. Il a même créé une chose, c'est le seul pays où ça existe, et c'est lui, Juan de Dios, qui a fait ça. Il a considéré que puisque, je ne vous en ai pas parlé, mais j'y viens, puisque les femmes gitanes, donc nous sommes en Espagne et j'emploie le mot gitan, puisque les femmes gitanes ne sont pas mariées, car dans la culture tzigane, le mariage est coutumier et il n'y a pas ou très peu d'état civil, j'y reviendrai. Puisque les femmes gitanes ne sont pas mariées, mais qu'elles vivent une vie conjugale toute leur vie, elles n'ont pas droit à la reversion de pension de veuve quand le mari meurt, elles n'ont pas droit à tous ces droits conjugaux que les femmes, auxquels les femmes mariées ont droit, et donc on doit créer pour elles une équivalence en tant que gitane, non mariée, concubine. Eh bien, il l'a obtenu. Moi, je ne vous dis pas que ce soit la révolution, je dis que c'est très intéressant. Et qu'après tout, les femmes qui touchent ça, c'est toujours ça de gagner pour elles. Parce que je vais vous dire à l'inverse, une femme manouche française que j'ai interviewée à Annemasse dans les Hautes-Alpes, là j'ai compris ce que c'est que la reproduction de la pauvreté, voire mieux, du dénuement en culture tzigane. Cette femme française, son compagnon, à qui elle n'était pas mariée dans l'état civil, il est parti, ce compagnon, servir l'armée française en Algérie. Il en est revenu tout malade, très malade. Quand il est mort, 20 ans plus tard, eh bien, elle a suivi la coutume, la tradition tzigane, vivace dans certains groupes manouches français. Elle a pris ses enfants par les bras, peut-être un papier, pas davantage, et puis elle a mis le feu à la caravane. Et puis elle est partie mendier. Car elle avait brûlé tous ses papiers, elle n'avait rien, elle n'avait pas une couverture pour la nuit, elle n'avait pas une assiette, elle n'avait pas une fourchette. Et elle m'a raconté ça en m'expliquant, je ne pourrais pas continuer à observer la tradition parce qu'aujourd'hui c'est trop dur, aujourd'hui je ne pourrais plus faire ça. Je vous donne cet exemple entre parenthèses juste pour vous dire que la pauvreté, c'est pas seulement aussi de l'extérieur, c'est aussi tout un rapport, je dirais, interne à la façon de gérer l'accumulation ou pas l'accumulation. En l'espèce, il n'y a pas d'accumulation chez les Roms. Donc, voilà. Donc, en Espagne, vous avez aujourd'hui, mais je ne sais pas, il y a un musée de la femme gitane à Grenade, je ne sais pas combien d'associations. Vous avez un institut de la culture gitane qui a fait un choix en Espagne très précis. Nous sommes des républicains, nous sommes des citoyens espagnols de culture gitane. Et donc, nous voulons mettre en valeur l'apport de la culture gitane à la culture espagnole. Alors, Lorca est évidemment aux premières loges, Manuel de Falla, Camarón, mettent beaucoup en avant les chanteurs et les chanteuses de flamenco, etc. Il y a des quantités d'associations, j'en ai vu et entendu, qui s'occupent des femmes les plus pauvres, les fleuristes, qui vendent à la sauvette dans la rue, qui n'ont pas de patente, qui se font arrêter par la police toute la journée, elles essayent de trouver des patentes. Il y a une action auprès des femmes défavorisées qui est certainement la plus par les femmes gitanes elles-mêmes, attention, qui est certainement la plus structurée de toute l'Europe. Et là, par contre, les femmes gitanes espagnoles obtiennent une admiration sans borne de leurs consoeurs, notamment roumaines, car roumaines, on parle beaucoup des roumains, mais les roumains, c'est 2,5 millions de Roms, donc c'est le bassin le plus important de population d'Europe, c'est aussi pour ça qu'on parle beaucoup d'eux. Là, vraiment, chapeau, tout le monde est en admiration, il y a eu des colloques, j'ai participé à des colloques, une autre femme, les femmes roms, émancipation des femmes roms, j'ai vu dans ce colloque des femmes gitanes, et elles avaient invité, les gitanes, des femmes de divers pays, des femmes roms de divers pays de l'Est, mais pas beaucoup, pas l'Assemblée comme au Conseil de l'Europe, 5 ou 6, c'était tout à fait extraordinaire. Elles avaient, en coordination avec un groupe féministe, pas toute seule, en interaction avec un groupe féministe, elles avaient choisi de faire un colloque sur conditions des femmes tziganes, gitanes, roms. En Espagne, on dit roms, hein, sans souci. Quand on est politique, on dit roms. À chaque âge différent de la vie d'une femme. Car les problèmes sociaux et politiques pour les femmes roms se posent aussi en termes d'âge de la vie. On est dans une gérontocratie, ce sont les vieux qui ont le pouvoir symbolique sur les jeunes. Hein. Plus on est vieux, plus on a de pouvoir, plus on est jeune, moins on en a. Hein. Et donc, à tous les âges de la vie d'une femme, sa condition d'oppression ou d'émancipation change. Elle a invité des femmes analphabètes très jeunes. J'oublierai jamais ça. Il y avait une jeune fille qui avait à peine 15 ans. Il y avait une femme, une gitane portugaise, dans son habit de deuil, qu'elles sont les seules à porter encore, les gitanes portugaises. Il y avait, hein. Et alors, la seule question pour que toutes ces femmes analphabètes puissent s'exprimer sur une thématique commune, chacune à égalité, toutes ensemble, elles n'avaient qu'une seule question à laquelle elles devaient répondre. J'ai fait un rêve. Quel est ton rêve ? Voilà. Et chacune, là où elle était, a dit quel est son rêve. La presse espagnole a titré « Le songe, le rêve de la gitane ». C'était tout à fait stupéfiant. Et la réponse, c'était l'école. Je ne veux pas que mes enfants vivent ce que j'ai vécu. Je veux qu'ils soient éduqués. Je veux m'éduquer, je veux poursuivre mes études, je veux reprendre, l'école. C'était ça. Il n'a pas été question davantage de ça. Mais je me souviens aussi d'une vieille femme gitane, mais alors gitane, quoi. Si je peux m'exprimer, elle a vraiment extrêmement marquée comme gitane et qui soudain s'exprime dans la salle. Lorsqu'il était question de partage domestique et de travaux ménagers, soudain cette femme, je ne sais pas, elle avait au moins 50 ans, au moins un minimum 50 ans, peut-être 60, qui tout d'un coup dit « Mais la lutte avec les maris, mais moi, ça fait 50 ans que je suis en lutte avec mon mari, et pour chaque chose, j'ai lutté avec lui, et aujourd'hui, c'est lui qui fait la vaisselle, et je suis là, il est d'accord que je sois venue à ce colloque. » Alors, remettons un peu les pendules à l'heure, hein, quand même. Hein. On n'est pas avec des sauvages au fin fond de la brousse. Hein. On est bien dans une Europe contemporaine. Et c'est pas parce qu'on nous présente des modes à voir qui éventuellement sont un peu peuvent nous sembler étranges, lointains, différents, traditionnels, que cette tradition eux-mêmes y croit d'abord. Parce que déjà, peut-être qu'ils n'y croient pas beaucoup, peut-être aussi qu'ils jouent, qu'elles jouent avec. Peut-être que, par exemple, souvent, je vois chez certaines femmes, je ne sais pas ici si c'est le cas, migrantes, hein, elles portent leur grande jupe là, mais sous la grande jupe, il y a un jean. Hein. Voilà. Bon. Donc, ça, c'est l'exemple de l'Espagne qui, effectivement, est très en avance, ça n'y a aucun doute là-dessus. La France est en retard. En retard à plusieurs points de vue. Par exemple, en retard sur la Grèce. Alors, vous savez qu'il enfin, la Grèce, c'est un pays où il y a des quantités d'associations de gitans, de tziganes. Bon, beaucoup sont des associations de papier, pas grand-chose forcément derrière. Mais dans cette multiplication d'associations tziganes, il y a aussi beaucoup d'associations de femmes. Mais il y a aussi, bien que ce soit beaucoup du flanc, il y a quand même aussi certaines associations qui travaillent réellement, hein, notamment sur la contraception, par exemple. Hein. Donc, en Grèce, il y a beaucoup plus d'associations de femmes tziganes qu'il n'y en a en France, par exemple. En France, c'est très peu, il n'y en a pas 10. Hein, il n'y en a pas 10. Il n'y en a pas 10. S'il y en a 5, c'est déjà bien. Il faudrait qu'on les cherche. Donc, la France est très, très en retard sur cette question, sur tous les autres pays, d'Est et d'Ouest. Et je pense que cela tient à la forme de la République française, une et indivisible, avec interdiction de distinction ethnique, mais surtout ce une et indivisible, cette République monolithique, fait que personne n'ose remuer ni pied ni patte, et donc du coup, ben, il y a des thématiques qui restent extrêmement retardataires par rapport à d'autres endroits. Au lieu de, comment dirais-je, amplifier la République, lui donner plus d'existence, plus de moyens, plus de lustre, plus de réalité, et ben du coup, ça a un effet anesthésiant et appauvrissant, en réalité, sur certains mouvements sociaux, et heureusement que ce ne sont pas les seuls. Donc, en France, très peu une regard de femme tzigane qui est dans la région Rhône-Alpes. Enfin, franchement, j'en trouverai pas cinq en France. Une à Paris, bon. Ça tient beaucoup également au fait que, pays où le catholicisme était une religion d'État, le catholicisme avant la conquête par les évangélistes était la religion qui avait créé un service pour les gitans, pour les tziganes français. La pastorale des gitans, ça s'appelait. Et c'était donc, depuis les années 60, essentiellement entre les mains du clergé catholique que étaient gérées les affaires tziganes françaises. Ça s'est un peu tassé aux alentours de 1980, c'est-à-dire que 30 ans plus tard, avec effectivement la montée du pentecôtisme qui était considéré et est toujours considéré par l'Église catholique comme un ennemi principal, un rival à juste titre puisque tout le monde se convertit au pentecôtisme. Mais c'est tombé, c'était, parce que ça a changé, tombé de Charybde dans Scylla au sens où l'Église catholique autrefois, enfin dans les années dont je vous parle, de 60 à 80, elle prônait, elle aussi, un mode de vie traditionnel. Hein. C'était pas la théologie de la libération. Hein. c'était pas des curés rouges pour émanciper les tziganes, hein, pas du tout. Alors on a eu ce problème qu'on n'a pas eu en Espagne, comme vous avez pu le voir, et qu'on a aussi en Italie. Alors l'Italie, c'est catastrophique, parce qu'alors, il n'y a rien d'autre que l'Église catholique, plus les évangélistes. Alors, c'est un gros problème, hein, pour les mouvements d'émancipation et pour les idées en avance, hein. Le pentecôtisme a pris la relève de l'influence dominante dans les milieux tziganes français, manouches, etc. Et ça apporte des choses à certains manouches, hommes et femmes, qui adhèrent à cette religion. Ils disent que ça leur apporte quelque chose, le refus de la violence, le refus de la marginalité, la nécessité de devenir citoyen. Mais en ce qui concerne tous les chapitres de la vie privée, tout ce qui concerne la vie privée, c'est une catastrophe. Parce que c'est interdiction de la contraception, les femmes ne doivent pas danser, les jeunes ne doivent pas bouger. Et donc, les gens sont complètement étranglés, ils n'ont plus rien le droit de faire d'ailleurs. Et en ce qui concerne bien sûr l'émancipation des femmes, eh bien, c'est une calamité. Voilà. Il faudrait peut-être, ayant pris les choses par leur bout d'abord, des enjeux, je dirais, politiques, que, avant de vous céder la parole, je vous dise un mot quand même, enfin quelques mots, de l'enjeu dans lequel les femmes, ces femmes, se débattent, qu'elles soient modernes ou archaïques, lettrées ou analphabètes. Quel est l'enjeu dans lequel elles se débattent ? Elles se débattent avec un problème dans lequel les féministes des années 70, des autres cultures qu'elles, ont eu à se débattre aussi. Elles appartiennent à une société qui, autrefois, était une société qu'on a souvent appelée patriarcale, dans laquelle le rôle de la bru, belle-fille, est fondamental. La jeune fille doit impérativement arriver vierge à son mariage. Mariage, je vous le répète, qui n'est pas en état civil, qui est uniquement coutumier. Elle doit arriver vierge, quoi qu'il advienne. Et cette exigence de virginité est partagée par de nombreux autres pays et se résume en quelque sorte à l'empreinte méditerranéenne. C'est le bassin méditerranéen, ce n'est même pas l'islam. Ça existe tout pareil chez les berbères, avant l'islamisation. C'est le bassin méditerranéen au sens large, et vous faites remonter ce bassin haut, je dirais même pratiquement jusqu'à la mer du Nord, de Noire, hein, très haut. Et c'est au sein de la culture de ce bassin méditerranéen que l'impératif de la virginité s'est développé. Sachez que dans la culture indo-européenne, il n'y a pas cet impératif de la virginité. Alors, cet impératif de la virginité qui est, appelons-le, méditerranéenne, s'est renforcé, bien sûr, dans les pays islamisés. Et donc, chez les tziganes, roms, gitans, manouches, selon qu'ils sont plus ou moins immergés dans l'islam, ou plus ou moins éloignés de l'islam, les coutumes de la preuve de la virginité sont plus ou moins éclatantes. Dans certains lieux, il va falloir montrer le drap taché de sang, et dans d'autres, la rumeur suffira, ou la parole d'honneur. Mais dans tous les cas de figure, et c'est la raison pour laquelle on enlève les adolescents de l'école dès la puberté, il faut arriver vierge au mariage. Et c'est la raison pour laquelle on marie les adolescents. Parce qu'il n'y a pas de déconnexion entre sexualité et mariage. C'est une même chose pour la jeune vierge. Car, attention, une fois que vous êtes arrivée vierge à votre mariage, vous pouvez divorcer le lendemain. Hein. Si ça ne vous convient pas, s'il y a un problème, tout le monde peut se séparer. Le lendemain, deux mois après, un an après, hein, ça, la séparation peut être très problématique ou bien elle peut être facile. Il y a tous les cas de figure, mais on peut se séparer et donc se remarier. Et on se remarie autant de fois qu'on se marie dans un cycle de vie ordinaire. 10 fois. C'est toujours un mari. Et là, au deuxième mariage, il n'y a plus besoin de l'impératif de la virginité. Et à ce moment-là, il n'y a plus de cérémonie de mariage, il n'y a plus de dot, il n'y a plus tout le faste. Ce faste doit avoir lieu une fois. Et la jeune fille, disent les gitans espagnols, qui sont des vrais maures, des vrais mauresques, la jeune fille, selon l'expression des gitans espagnols, couronne la famille. Elle a réalisé l'honneur de la famille par sa virginité. C'est un impôt du sang. Les hommes ont dit dans nos sociétés que nos soldats vont payer l'impôt du sang. Eh bien, les jeunes filles roms doivent payer l'impôt de la virginité à leur collectivité avant d'avoir le droit de s'émanciper. Si elles ne le payent pas, si elles sont des modernes, des rebelles, des échappées, etc., elles s'exposent, comme toutes les féministes du monde partout sur la Terre, à des problèmes qu'elles devront régler individuellement. Voilà. Donc, là, c'est un enjeu qui s'est atténué dans certains groupes, qui reste selon, hein, on a toutes les variantes de la Terre, mais qui reste, y compris pour les modernes, un problème. Parce qu'une femme moderne émancipée, elle doit affronter sa société de femme émancipée n'ayant pas souscrit à l'impératif que l'on attendait d'elle. Et elle ne vit pas ça avec beaucoup de facilité. C'est très très dur. Mais encore une fois, nous ne connaissons que des histoires de femmes, qui n'étaient pas dans les clous au cours de l'histoire, sous toutes les latitudes, et pour qui c'était très très dur. Alors, donc, j'allais dire que c'est comme pour toutes les femmes qui transgressent, hein, qui transgressent le statut de subordination qui leur est fait initialement. Pas plus, mais en tout cas bien autant. Voilà. Mais ayez bien en tête que des femmes qui transgressent, il y en a beaucoup. Hein, beaucoup.